nani kwa maradio mu Burundi. Bonjour à tous, nous sommes le 4 juillet 2024. Merci de nous rejoindre pour suivre ce journal préparé en synergie sur la problématique de la pénurie persistante du carburant, avec comme conséquence immédiate des ennuis dans la mobilité des biens et des personnes. Des reportages aussi bien à mairie de Bujumbura qu'à l'intérieur du pays nous en donneront le topo. Vous aurez aussi les avis des activistes dans certaines organisations de la société civile ainsi que les réponses avancées par certaines autorités publiques. Nous terminerons ce journal par un commentaire de quatre rédactions des radios Bonesha FM, Rema FM, Shima FM et Isanganiro. À la présentation de ce journal, Hussein Naombaye et Jean Bosco Ndouiman. La synergie des médias au Burundi. Bonjour, le transport des marchandises en provenance de la province Kayanzaver d'autres coins du pays n'est plus facile suite au manque de carburant qui s'y observe. Selon les témoignages des commerçants, ils demandent à l'État burundais de trouver une solution à cette question qui entre plus dans pour que la situation puisse se renormaliser. Jean-Claude Kanore. Des commerçants interprovinciaux exerçant en province Kayanza regrettent que le coût du transport des marchandises vers la capitale économique ou vers d'autres provinces s'est multiplié par deux, voire par trois, suite au manque de carburant. Si auparavant on payait 100 francs pour celui qui t'aide à transporter tes marchandises, aujourd'hui on paie 300 francs. Le dépassement pour nos marchandises a été également revu à la hausse. Les marchandises qu'on dépassait à 10 000 francs maintenant sont dépassés à 30 000. Ce coût élevé du transport des marchandises entraîne la hausse du prix de ces dernières et crée des mésententes entre eux et leurs clients, comme nous l'ont témoigné ces commerçants rencontrés à Kayanza. Un client cherche toujours des produits à bas prix. S'il trouve que vous avez haussé les prix, il se lamente, alors que ce n'est pas nous, mais c'est à cause du carburant. Des fois, on travaille à perte. On peut s'approvisionner à 2500 francs, mais on est obligé d'ajouter 500 pour le déplacement, sans oublier les taxes. Leur souhait serait que le gouvernement du Burundi trouve urgemment une solution la plus adéquate afin que cette situation puisse se décanter. Nous demandons à l'État de tout faire afin que le carburant soit disponible. Sinon, nous ne voyons pas à quel sens se vouer. Il faut que l'État fournisse tous ses efforts afin que le manque de carburant ou solution pour que les produits soient revus à la baisse. Sinon, ce sera impossible s'il n'y a pas de carburant. Vous saurez que même les agriculteurs qui se sont confiés à nous font savoir qu'une partie de leur récolte, composée en grande partie de légumes, de bananes, de patates douces et de tomates, qui sont difficiles à conserver, est en train de pourrir suite à la diminution de la clientèle qu'il emportait en dehors de la province Kayanza. Depuis Kayanza, Jean-Claude Kanore pour la synergie des médias. Alors, de Kayanza, rendons-nous à Gitega, où la pénurie du carburant impacte très négativement le commerce du lait et de la viande dans la commune Bougendana de cette province, et même sur le charbon. Les commerçants demandent aux autorités concernées de trouver des solutions à ce problème. Dans la province de Rumonge, au sud du pays, les activités de pêche et de transport de personnes et des biens au lac Tanganyika sont presque arrêtées en province de Rumonge. La pénurie du carburant est la cause principale. Les pêcheurs et les transporteurs souhaitent que cette pénurie de l'or noir soit bien gérée car elle a déjà paralysé leurs activités et l'économie du pays. N'est-ce pas, Jonas Ndayarinze? La province de Rumonge compte un port commercial relié au Burundi, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. À part cela, il existe d'autres petits ports de pêche avec plus de 150 bateaux motorisés pour celui de Rumonge. La pénurie du carburant qui s'observe ces derniers jours a mis au ralenti les activités de pêcheurs comme l'ont indiqué ces derniers. Une fois qu'une ou deux stations-service sont servies, nos patrons peinent à trouver la quantité du carburant qui peut nous servir au moins pour deux jours, précise-t-il, alors qu'un moteur d'un bateau d'équipage consomme plus de 40 litres pour une seule nuit, ceux qui ont de la chance sont servis à moitié à la la pompe. Pour cela, un grand nombre de bateaux restent cloués au bord du lac. Ce pêcheur demande au gouvernement du Burundi de tout faire pour qu'il y ait du carburant, en quantité suffisante. Toi Gabriel, président de l'association des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, relativise la diminution des quantités de poissons au marché à la pénurie du carburant. Il précise qu'une grande partie des pêcheurs ont suspendu leurs activités avec l'espoir de trouver du carburant, mais en vain. Pour lui, même ceux qui parviennent à trouver du carburant, une fois les stations servies, ils sont obligés de ne plus aller trop loin pour éviter des cas de panne bête dans les eaux du lac. Le cas est pareil pour le transport maritime. Les passagers qui veulent traverser de l'autre côté du lac en passant par le port de Lomongue, ils attendent désespérément le départ plus d'une semaine ou deux depuis le jour de la réservation. Cette pénurie de l'or noir a touché aussi l'afflux des marchandises au port commercial de Lomongue, selon les informations fournies par les services de l'Office burundais de recettes. L'importation des poissons d'Igege en provenance de la Tanzanie est bloquée il y a de cela 8 mois. Depuis Lomongue, Jonas Ndarinze pour la synergie des médias. Merci Jonas, vous voudrez bien nous excuser pour quelques erreurs de nettoyage de cette correspondance. Sinon, des véhicules assurant le transport des marchandises de l'intérieur du pays vers la mairie de Bujumbura ont diminué suite à la pénurie de carburant. Par conséquent, les prix des marchandises dans les marchés de la capitale économique ne sont plus abordables. Les commerçants aux faibles capitaux ont déjà abandonné le commerce alors qu'ils faisaient vivre leur famille. On fait le point avec Venant Niamongele. Le mouvement de véhicules transportant de marchandises depuis l'intérieur du pays vers le marché de la mairie de Bujumbura a sensiblement diminué par rapport aux mois antérieurs. À titre d'exemple, ces véhicules sont aujourd'hui sous 5 alors que dans le temps, ils étaient estimés à entre 8 et 20 dans les marchés de Musaga et Kanyosha du sud de la capitale économique Bujumbura. Dans le temps, il y avait un grand mouvement de véhicules qui transportaient de marchandises. Des marchandises étaient disponibles et s'acheter à des prix abordables. Selon les acheteurs, cette situation impacte négativement leur survie. Ceux qui amènent ces marchandises dépensent beaucoup de moyens et cherchent à récupérer leurs capitaux en haussant les marchandises. Aujourd'hui, le kilogramme de haricots s'achète à 2600 francs. Un kilogramme de pommes de terre est à 2500 francs. La patate douce est aujourd'hui vendue par kilogramme. Tout a été revu à la hausse. Il demande que la pénurie de carburant, source de ces maux, soit résolue pour le bien de la population. Il faut que le président de la République s'implique davantage dans le dossier de pénurie du carburant et joindre la parole à l'acte. Il faut que la situation change pour le bien de la population. Un commerçant qui a recueilli l'anonymat nous a fait savoir qu'aujourd'hui, pour le transport de 200 kg de haricots de Moir à Bujumbura, il doit payer 60 000 francs bout, alors que dans le temps, il payait une somme comprise entre 5 et 10 000 pour cette même quantité de haricots. Certains chauffeurs de bus de transport et des taxis œuvrant au nord de la ville de Bujumbura déplorent la façon dont le carburant est distribué une fois disponible sur les stations-service. Ils font savoir que la raison essentielle est la corruption qui se manifeste chez certains gérants des stations. Les précisions, c'est avec Jonas Wuchumi. Comme l'indiquent certains chauffeurs de taxi évrants au nord de la mairie de Bujumbura rencontrés au parking du Kigome Nord, ils ne reçoivent pas de carburant car, disent-ils, ce dernier est servi aux particuliers à cause de la corruption. Quand une station est servie en carburant, les véhicules des particuliers sont servis en premier lieu. Ils nous dépassent sur les files d'attente et ils donnent de la corruption à la entrée 100 000 et 150 000 francs bout aux pompistes et aux autres chargés de la distribution du carburant. Ce sont eux qui reviennent chez nous pour revendre ce carburant à un prix de 25 000 francs pour par une bouteille d'un litre et demi. Même les chauffeurs de bus Evra au nord de la mer de Bujumbura, rencontrés au Gare du Nord, disent qu'ils sont déjà touchés par ce problème. Mon véhicule n'a pas de carburant il y a une semaine. Ça sera mieux si tous les bus reçoivent les mêmes litres de carburant. Ces chauffeurs demandent au gouvernement burundais de trouver la solution de ce problème pour que le carburant qui est disponible soit bien servi à tous les chauffeurs. La suite de ce journal en synergie, des citadins à mairie de Bujumbura se plaignent des difficultés rencontrées pour se déplacer suite à la pénurie du carburant. Ils expliquent qu'avant la délimitation du périmètre de circulation des tricycles et des bicycles, ils pouvaient se déplacer sans trop de tracasseries puisque le moyen de transport était moins cher par rapport à celui des taxis-voitures. Les chauffeurs de ces engins ajoutent que même la consommation du carburant est plus économique. Toutes demandent au gouvernement de lever cette mesure. Ornella Mucho. La situation de déplacement à mairie de Bujumbura reste un véritable casse-tête suite au manque de carburant. Des citadins essaient de comparer la situation d'avant la délimitation des zones autorisées pour les tricycles et les deux-roues et trouvent qu'aujourd'hui, ils peinent beaucoup pour pouvoir se déplacer. Avant, on pouvait cotiser à 3 pour arriver à l'université par tuk-tuk et c'était facile car c'était moins cher. Aujourd'hui, ce n'est plus possible puisque le seul moyen qu'on peut se permettre, c'est le transport en commun par bus, lequel malheureusement, ces jours-ci, est difficilement disponible. On ne peut même pas prendre le taxi car on n'a pas de moyens. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus à mesure de se déplacer jusqu'en ville et préfèrent rester à la maison, comme les personnes vivant avec handicap. Ils demandent au gouvernement de lever cette mesure pour au moins améliorer la situation de déplacement dans cette période de pénurie de carburant devenue chronique. Les tricycles et les deux roues sont les moyens de déplacement pour les personnes à faible ou moyen revenu, raison pour laquelle je trouve que le gouvernement devrait lever cette mesure de délimitation pour alléger la situation, car ceux qui se permettent de prendre des taxis sont en grande partie ceux qui sont financièrement stables. Cette mesure de délimitation n'avantage que 2% de la population burundaise. Vu la situation socio-économique de ce pays, pour moi, il n'était pas encore temps de prendre cette mesure. Car la plupart des gens ont des moyens pour des taxis, motos, tuk-tuk et vélos. Vous voyez que même dans cette pénurie de carburant, les tarifs de taxis-voitures ont sensiblement monté. Par exemple, de 5 000 à 15 000 francs et plus, pour juste l'aller. Alors, combien peuvent-ils se permettre de payer ce montant? Même son de cloche du côté des conducteurs, tout en ajoutant que ces véhicules sont plus économes en carburant que les voitures. On demande avec insistance de nous laisser circuler jusqu'au moins dans des endroits beaucoup fréquentés comme les marchés et les hôpitaux. Et c'était d'ailleurs le cas. Avant, on ne dépassait pas les ponts, mais on pouvait arriver dans différents endroits. Les clients éprouvent aussi beaucoup de difficultés car ils sont limités et sont obligés de prendre deux différents moyens de transport. Une telle doléance avait déjà été soulevée par la Confédération des travailleurs du Burundi, COSIBU en sigle. C'était à l'occasion de la Journée internationale du travail. Merci beaucoup à Ornella Mucho. Le président du Sénat burundais se dit préoccupé par le problème de transport qui s'observe dans le pays. Au cours des questions orales du 18 juin courant avec trois ministres, dont celui chargé du transport, Emmanuel Sinzo Aguera a demandé au ministre pourquoi Le ministère ne régule pas les spéculations qui se font sur les tickets de transport et de suggérer au ministère de transport de collaborer avec le ministère de l'Intérieur pour laisser les taxis-motos faire le transport jusqu'en ville pour aider ceux qui vont se déplacer. Suivez-les, il est traduit par notre confrère Alain Désiré Boukénez. De Changuzo à Bujumbura, le prix du ticket de transport est de 80 000 francs et ce pour l'aller seulement, c'est-à-dire 160 000 francs pour un aller-retour. Excellence, Madame la Ministre, selon vous, comment les Burundais vont pouvoir se déplacer avec cette situation? Les transporteurs spéculent sans être inquiétés et vous, au ministère, vous semblez avoir croisé les bras. À certains endroits, le ticket de transport à Bujumbura est passé de 600 à 2500 francs, les taxis sont à 30 000 francs. Au niveau de votre ministère chargé de réguler le secteur du transport, est-ce que vous envisagez une voie de sortie? Vous deviez vous concerter avec le ministère de l'Intérieur pour laisser les taxis motos déplacer les gens comme les élèves jusqu'au centre-ville. Ainsi, cela les aiderait à continuer à vaquer à leurs occupations. Malheureusement, le ministère ne se montre pas préoccupé par cette situation. Vous restez silencieux. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Aguirre, à ce sujet, le Premier ministre a répondu que cette interdiction d'entrer au centre-ville de certains véhicules, dont les motos, ne peut être levée qu'après évaluation des techniciens qui l'ont recommandé. C'était lors de l'émission publique de vendredi dernier à Makamba, où Gervain de la Kobucha a expliqué que cette mesure a été prise pour des questions de sécurité. Il considère le souhait du président du Sénat et du président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, comme de simples plaidoyers. La même explication a été donnée par le ministre de l'Intérieur. Martin Niteletse a par la même occasion affirmé que les accidents et autres infractions commis par les conducteurs de ces motos et tricycles ont sensiblement diminué. Suivez-le dans cette traduction de Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Je voudrais informer la mesure à l'encontre des motos et bajages dans certaines localités de la ville a été prise sur base d'une requête des OPJ qui nous ont montré les statistiques des accidents routiers et d'autres infractions au centre-ville causées par les conducteurs de ces motos et bajages. Ainsi, ils nous ont demandé qu'ils soient placés dans ces localités occupées aujourd'hui. Sans c'est un travail technique et nous voyons que ça allait ici car les infractions ont sensiblement diminué. Aujourd'hui, on ne dirait pas qu'on revient sur notre mesure suite à la situation actuelle de problèmes de déplacement. De toutes les façons, ces motos et bajages consomment aussi du carburant et non de l'eau. Ce que nous faisons actuellement, c'est de faciliter les bus et les coasters pour le transport en commun. Ramener ces motos et bajages en plein centre-ville, ce n'est pas une question de déplacement, mais une question de sécurité selon les informations des OPJ. Les activités liées au transport des biens et des personnes ont été perturbées ces derniers jours suite à la pénurie du carburant. C'est constant et de Charles Niramevas, secrétaire général, le porte-parole de Datrabou. Pour lui, cette pénurie a paralysé l'économie des transports en général et du pays en particulier. Les Angoteurs de l'UCOM proposent à l'État de contracter un crédit de 500 millions de dollars américains pour décanter la situation. Gabriel Rufiri, président de cette ONG, tient à signaler qu'il faudrait aussi des experts pour faire des études sur la gestion de cette dette. Suivez plutôt Gabriel Rufiri. Pour nous, les conséquences sont vraiment graves, d'où il nous faut vraiment aussi des solutions dans les meilleurs délais. La première solution, c'est d'abord de donner un discours réel, juste. Deuxième chose, il faut contracter une dette d'urgence d'au moins 500 millions qui va nous aider à subvenir à certains besoins de base. Par exemple, il faut constituer un stock stratégique de 3 mois. Par mois, nous consommons au moins entre 25 et 30 millions de litres. C'est la même chose que l'argent. Donc, c'est 25 millions de dollars qu'on a besoin. Son montant, c'est autour de 120 millions de dollars pour 4 mois. C'est important qu'on puisse d'abord satisfaire la situation actuelle, c'est 30 millions de dollars, mais aussi essayer de satisfaire pour 3 mois au moins le stock, constituer le stock stratégique. Je pense que 500 millions de dollars, c'est facile. C'est le gouvernement qui doit parler avec le FMI, la Banque mondiale et d'autres partenaires. Après cette décision, il nous faut alors s'asseoir ensemble pour étudier comment le budget doit être orienté. Il nous faut actuellement un budget d'austérité. C'est un budget qu'on privilégie les secteurs porteurs de croissance. Il suffit seulement que les experts s'asseyent ensemble, voir ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent. Mais il faut que ces experts ne soient pas bloqués, annihilés, embrigadés par des politiques qui ne comprennent rien. Il faut que les politiques travaillent en s'appuyant sur les idées des experts. C'est à ce niveau qu'on pourrait avancer. Gabriel Ofsiri, président de l'OLUCOM. On s'achemine vers la fin de ce journal. Comme annoncé en début, les rédactions à Synergie ont également eu leur mot à dire sur ce sujet des transports mis à mal aujourd'hui par la pénurie de carburant. Et ce commentaire est lu par Évariste Nzikobanyanga. Devenu un problème majeur au Burundi depuis environ 2 ans, la crise du carburant s'installe dans la durée. C'est devenu une habitude pour les propriétaires de véhicules ainsi que d'autres moyens de transport motorisés de faire de longues queues devant les stations-service dans l'attente hypothétique d'essence et de diesel. Des files d'attente similaires s'observent sur différents parkings au centre-ville de Bujumbura pour des passagers qui attendent des bus de transport en commun. Certains rentrent immédiatement à pied après le service, le soir assurés d'avance de ne point trouver de moyen pour rentrer à la maison. Vers 22 heures, le même cérémonial s'observe sur tous les parkings encore bondés. Des agents de la police usent de force pour obliger les citadins fatigués de rentrer. Les bennes et camions, dédiés jusque-là au transport de moellons et sables, entrent dans le jeu pour assurer le transport des personnes et à ceux à des prix exorbitants. D'autres, pas assez forts pour faire le commando, s'entassent à 7 ou à 8 dans des capots de taxi dans cet espace humoristique et affectueusement appelé VIP ou salon ministre pour un viatique allant jusqu'à 4000 francs par passager. Lors de la rentrée judiciaire du 2 septembre 2022, le numéro 1 burundais a dit prendre en main la question de la pénurie du carburant, transférant de fait à la société de production et de distribution d'eau et d'électricité, la régie des eaux, la lourde charge d'importer et de distribuer les produits pétroliers. Mais il semble que les résultats peinent toujours à se produire. En juin 2023, Évariste Ndayishimiye a pointé ça les nommés des hommes d'affaires responsables de cette pénurie du carburant au Burundi. 6 mois plus tard, lors de son émission publique du 29 décembre 2023, le président de la République reconnaîtra que la raison essentielle de la pénurie du carburant est due à celle des devises étrangères. Dans la foulée, 2 mois plus tard, il met sur pied une société de gestion du carburant, la Sopebu. On connaît encore peu de ses réalisations, mais force est de remarquer que l'or noir est aussi rare qu'avant. En avril 2024, à l'hémicycle de Kigobe, Gervais Ndirakobucha, premier ministre, avouera n'avoir pas de solution au problème tout en liant cette pénurie des produits pétroliers aux effets de la crise de 2015. Outré, le très honorable Gérard Ndabirave, numéro 1 de la Chambre basse et du Parlement, proposera le retour de la peine de mort pour tous ceux qui seront surpris dans la spéculation sur l'essence et le mazout. 2 mois plus tard, face à l'équation impossible des produits pétroliers, le très honorable président du Sénat burundais, Emmanuel Sinzohagira, a demandé au ministère de l'Intérieur et celui du Transport de voir ensemble comment faciliter les déplacements des citadins en réautorisant les taxis-motos, les tricycles et les taxis-vélos à transporter des gens jusqu'en pleine ville. Visiblement, la solution durable ne pointait pas encore son nez à l'horizon. Mais peut-être que l'on devrait pouvoir envisager sans faux fuyant toute solution allégeant la peine du fonctionnaire qui, au bout d'un labeur de 8 heures au moins, cherche à regagner le lieu qu'il héberge, parfois à plus de 10 kilomètres de son lieu de travail. Évariste Nzikobanyanga qui nous a lu ce commentaire de rédaction en synergie. Je rappelle que le journal était centré sur la problématique de la pénurie persistante du carburant avec comme conséquence immédiate des ennuis dans la mobilité des biens et des personnes. La réalisation a été assurée par Alain Mouchamanza et Alain Désiré Bukayeneza. La mise en onde, Eric Ouimana à la présentation. Hussein Nahombaye. Et Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi. La synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi.